Quatrième partie, Grandeur et misère. Chapitre 1er, le miroir. Immondices, immondices, immondices, partout, partout des immondices, surtout en plastique, sacs de couleur bleue et bouteilles d'eau de couleur blanche, et d'autres déchets de tous les genres, et la puanteur, puanteur, puanteur partout. Un cauchemar les yeux ouverts, écarquillé, ébahi, effrayé, scandalisé. Et les usurpateurs de l'État se pavanent en costume-cravate et osent se présenter devant les caméras de télévision et se croire civilisés. Ricane affreusement une voix caverneuse. Vous avez voulu l'indépendance? Eh bien, nous verrons ce que vous en ferez. Vous vous égorgerez les uns les autres. Les villes deviendront des douars sales et nauséabonds. L'indépendance. Vous verrez ce que ce sera. La décadence. Et le ricanement éclate encore plus fort, plus méprisant. Soudain, un vent puissant soulève les immondices. Il les fait tourbillonner jusqu'à remplir tout l'espace visuel, jusqu'à cacher le bleu du ciel. Et la puanteur remplace l'oxygène de l'atmosphère. Et voilà que des trous multiples des trottoirs et de l'asphalte dégradé des rues et des caniveaux surgissent des hordes de rats. Gros, si gros. Les lèvres entrouvertes pour mordre. Le corps poilu et les poils dressés comme des clous pointus. Et voici des escadrilles de chauves-souris hideuses, immenses, obscurcissant ce qui reste de la lumière du jour, et elles tournent et tournent et tournent en un cercle infernal. Elles aussi, leurs lèvres sont retroussées, afin que les dents pointues mordent. Au milieu des tas d'immondices puants, des rats aux poils noirs et des chauves-souris aux ailes également noires, un cri rauque, aussi désespéré que révolté, ébranle l'air empoisonné, mortifère. De l'air, de la lumière, de l'air, de la lumière. À cet appel bouleversé et bouleversant, répondent en écho sinistre des éclats de rire, tandis que des cravates de couleur bleue dansent à hauteur d'homme, secouées par les arrogants rires. Apparaissent les serviles mots prononcés de la manière la plus servile. « Fakamatuhu adarat !»« Fakamatuhu adarat !» répétés à plusieurs reprises en écho par de multiples voix, masculines, féminines. Brusquement, les déchets enveloppent l'homme qui demandait de l'air et de la lumière au point de remplir tout son champ de vision. Il se débat de ses bras et de ses jambes pour se débarrasser de ses immondices, en vain. Têtu, l'homme recourt à tout ce qu'il possède d'énergie pour éloigner au moins de ses yeux les déchets, sans y parvenir. Les rats se lèvent sur leurs pattes et éclatent de rire en sautillant, imités par les chauves-souris accrochées aux poteaux électriques, et les cravates émettent les ricanements les plus tonitruants. Alors, la terrible voix caverneuse et orgueilleuse reprend. « Tu voulais l'indépendance, et la voilà !» Ta décadence, barbare, barbare. Le visage inondé de sueur, la bouche ouverte manquant d'air, haletante, la poitrine violemment secouée, les bras et les jambes totalement agités, si Laffitte se réveille brusquement dans son lit. Quelques minutes après, en se reprenant, il tente de comprendre le sens de son cauchemar. Il finit par y réussir. La veille au matin, il était allé dans une localité toute proche d'Oran, Shtaïbo. Ce qu'il vit là fut pour lui le miroir même de la situation où l'Algérie était tombée, et cela depuis l'indépendance, en suivant une pente toujours descendante. La plus riche ou la plus sadique des imaginations ne peut pas produire ce que c'est la fille vit dans cette petite agglomération, saleté puanteur que même l'enfer est incapable de contenir. Alors, en contemplant les trottoirs, les rues et les ruelles, c'est la fille eut le cœur si serré, mais si serré, qu'il aurait voulu éclater, hurler de révolte. C'est alors que lui revint en mémoire un incident très particulier. Au lycée, il manifestait avec ses jeunes camarades en criant « Taïa al-Jazaïr !»« Vive l'Algérie !» Sur le chemin, dans un couloir du lycée, l'enseignant pied noir d'histoire et de géographie, en regardant ses jeunes élèves revendiquer l'indépendance du pays, leur crie avec mépris « On verra ce que vos chefs feront du pays. Ils s'arrangeront pour que vous égorgiez les uns les autres et transformeront l'Algérie en une immense poubelle. » Afin de jouir, eux, de tous les avantages. Oui, admet Silafide, avec la plus amère des tristesses. Les usurpateurs, voleurs, nous ont laissé envahir et engloutir par nos saletés matérielles, afin qu'ils soient le miroir de nos saletés spirituelles. Ainsi, les gens du peuple passent leur temps à s'auto-dénigrer les uns les autres, au lieu de dénoncer leurs oppresseurs et voleurs, devenus très rapidement des milliardaires. Or, quel peuple qui s'auto-méprise, qui rend de lui-même, serait capable de se révolter contre ses bourreaux. Même des soi-disant intellectuels patriotes en sont arrivés à déclarer vouloir changer de peuple ou s'être trompés de société. C'est dire le complexe d'infériorité qui justifie l'asservissement du peuple. Quant au « One, two, three, vive à l'Algérie », tellement ridicule et prouvant une stupide mentalité néocolonisée, il ajoute la saleté linguistique aux autres saletés du pays. Pas foutu de parler sa propre langue, avec l'imbécile prétexte de s'ouvrir aux langues du monde, alors qu'on est incapable de s'ouvrir à sa propre langue maternelle. Pourtant, en Algérie, la nature est si belle dans sa riche variété, mais tellement enlaidie et réduite à une immense oubia, physique et morale, par ceux qui ne méritent pas ce paradis terrestre. Curieusement, mais est-ce vraiment curieux, quand Syl Lafide est la proie de ce genre de très désolante constatation, lui causant un très atroce malaise, il ne peut s'empêcher de chercher tous les motifs pour estimer, respecter et aimer le peuple dont il fait partie, comme il l'a toujours fait au sein de tous les peuples où il a vécu. Alors il pense ainsi. Un chien méprisé parce que maltraité et maltraité parce que méprisé, celui qui ajouterait à ses infâmes méfaits son propre dédain, qu'est-il sinon un idiot qui n'a rien compris au funeste et criminel mécanisme de l'humiliation doublée d'oppression? Existe-t-il pire faute que celle de mépriser un peuple sous prétexte qu'il est dominé, surtout quand cette faute a comme auteur la caste de privilégiés qui prétend détenir le savoir universel sur tout? Les jeunes et économiquement modestes Abad Ramdam, Larbi Ben Midi et leurs semblables ont montré la valeur de leur peuple. Hélas, vers les aventuriers presque incultes, mais assoiffés de pouvoir, qui par la force des armes, de la terreur et de l'obscurantisme religieux, ont voulu faire retomber ce peuple à l'état de nouveau colonisé, cette fois-ci par des charlatans autochtones, qui se proclament légitimés par le combat mené par Abad Ramdam, Larbi Ben Midi et leurs compagnons. Il est vrai que comparer ces deux personnalités aux individus qui ont été les détenteurs du pouvoir d'État en Algérie, et ce depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, à l'unique exception d'un seul, Mohamed Boudiaf, lequel connut la fin qui fut la sienne, c'est tout comprendre des saletés qui ont rendu le pays si laid, dans tous les domaines, sans aucune exception. Si Lafitte veut mettre fin à ses pensées qu'il juge non constructives, désormais, se dit-il, assez critiqué, il faut proposer. Il se lève et rejoint la douche. Là, il livre son corps nu, vieilli mais encore solide, à l'eau pour se laver non seulement la peau, mais l'esprit des saletés qui l'ont troublée.